La représentation permanente de la République populaire démocratique de Corée à l'ONU a envoyé une notification au département d'État US. Le 23 courant, le département d'État US a mis en cause le lancement expérimental de la fusée balistique stratégique sol-sol à moyenne et longue portée façon 10 que nous venons d'effectuer fructueusement, comme une violation grossière des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, comme la cause de l'aggravation de la tension dans la péninsule coréenne et de l'instabilité dans la région, et nous a exigé de ne plus commettre les provocations et menaces. C'est une démarche destinée à dissimuler la nature criminelle américaine, aggravant extrêmement la situation de la péninsule coréenne avec les exercices militaires et le renforcement des forces armées incessants dans la péninsule coréenne et à ses environs, a rejeté à notre pays la responsabilité de la tension de la situation dans la péninsule coréenne et a fomenté le climat de pression internationale contre nous. À ce propos, la représentation permanente de la République populaire démocratique de Corée à l'ONU a envoyé le 24 au département d'État US la notification soulignant notre attitude de principe qui dit notamment « La résolution du Conseil de sécurité de l'ONU interdisant notre lancement de fusées constitue déjà une violation de la charte de l'ONU et des droits internationaux. » Le renforcement continu de la dissuasion nucléaire face à la menace nucléaire croissante des États-Unis qui introduisent les biens stratégiques dans la péninsule coréenne et à ses environs est une mesure juste autodéfensive et ne peut être en aucun cas une provocation. Notre attitude consiste à développer les puissants moyens offensifs susceptibles de menacer constamment les États-Unis pour garantir parfaitement la sécurité de notre patrie et de notre peuple contre les menaces nucléaires continues des États-Unis. Tout comme les actes d'hostilité américains sont devenus quotidiens, notre œuvre pour appliquer la ligne de promotion parallèle de l'économie et des armements nucléaires pour y faire face est devenue quotidienne. Tant que les États-Unis continuent la politique d'hostilité et les menaces nucléaires, nous maintiendrons invariablement la ligne de promotion parallèle et prendrons de façon multilatérale et successive les mesures de renforcement de la dissuasion nucléaire autodéfensive. Voilà notre attitude de principe.